Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En Grèce, adieu vous tous, il faut partir. En 1829, dans les Orientales, Victor Hugo vibre pour la libération du peuple grec. Qu'enfin, après le sang de ce peuple martyr, le sang vil des bourreaux ruisselle. Le poème s'intitule « Enthousiasme ». Et en effet, il est difficile d'imaginer l'enthousiasme qui saisit l'Europe face à la guerre d'indépendance des Grecs. Alors, en Grèce, il faut partir. Anne Couder, bonjour. Bonjour. Au moment d'évoquer la guerre d'indépendance des Grecs et même la proclamation d'indépendance, il faut le dire tout de suite, nous sommes sur un temps long. Nous ne sommes pas simplement sur une journée de proclamation d'indépendance. Et d'ailleurs, nous pouvons dire qu'il y a peut-être plusieurs proclamations d'indépendance pour les Grecs. Oui, parce que la date qu'on retient, et on a bien raison de la retenir, c'est celle que... La nation grecque qui s'était affirmée comme telle a affirmé son indépendance. Mais entre le moment où une nation affirme son indépendance et le moment où l'indépendance est reconnue par la communauté internationale, il se passe longtemps. Dans le cas des Grecs, il se passe plus de 10 ans. Puisque les grandes puissances commencent à envisager une indépendance pleine et entière en 1830, mais qu'elle n'est reconnue par traité et reconnue par le sultan qu'en 1832. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, car il faut considérer que la formation d'une nation, c'est pas vraiment un réveil, c'est plutôt un éveil, et c'est un processus, une construction qui est faite, bien entendu, d'un mouvement intrinsèque, interne, mais aussi de nombreuses interactions précisément, en l'occurrence, avec l'ensemble de l'Europe. Vous avez évoqué les philhellènes, on peut aussi parler des gouvernements qui n'avaient pas, européens, qui n'avaient pas forcément le même point de vue. Et la formation de la nation, c'est un processus. On a parlé de guerre, on peut parler aussi de révolution. Au départ, on a des sujets ottomans qui se révoltent. Donc, on a une révolution qui, petit à petit, devient une forme de guerre. Et c'est au cours de ces années de lutte, d'interaction avec l'Europe, de lutte interne aussi entre les révoltés, que petit à petit va mûrir une forme d'identité. Et finalement, les Grecs du royaume de Grèce, indépendants, en 1832-1833, ne sont plus les mêmes que ceux qui se soulèvent en 1821 et proclament leur indépendance en 1822. C'est le début d'un long processus extrêmement intéressant que les historiens donc interrogent longuement, en particulier en ce moment, période de commémoration. Oui, c'est ce qui nous intéresse aussi dans le cours de l'histoire sur France Culture, ce processus, parce que la fête nationale, encore aujourd'hui, pour la Grèce, c'est le 25 mars, en commémoration du 25 mars 1821, c'est le début de la guerre. Le 12 janvier 1822, c'est la proclamation de l'indépendance, mais vous l'avez bien dit, Anne Couder, en 1830, en fait, cette indépendance est effective, et encore, le fait se discute, mais pour saisir ce long processus, il faut revenir avant l'indépendance. Nikos Sigalas, bonjour. Bonjour. 4 siècles de domination ottomane, pour le dire autrement, des Turcs, sur la Grèce. Quel est le statut des Grecs pendant 4 siècles? Sont-ils complètement brimés, ce qui peut expliquer une guerre d'indépendance, ou y a-t-il un statut particulier? Écoutez, le statut des Grecs, ou des Romains, comme on les appelle à l'époque, c'est un statut de protégé, de dhimmi, comme ils sont appelés dans selon le droit musulman. C'est-à-dire, c'est le statut de gens qui ont capitulé et qui payent une impôt spéciale, donc des impôts spéciaux, en échange de la protection que l'État musulman, le sultan, leur accorde. Donc, en vérité, ça change leur situation, ça change selon les périodes, selon les époques, et au XVIIIe siècle, on ne peut pas dire que c'est la pire des périodes, mais c'est une période où on a la possibilité d'un éveil national ou de la formation des élites nationales ou de nationalistes à cause de la participation de l'Empire ottoman dans le monde capitaliste de l'époque, qui est maîtrisé par les chrétiens dans l'économie monde, comme on dit. Donc, oui, parce que les Grecs, grands commerçants dans ce monde ottoman. Oui, parmi d'autres, mais ils sont très importants et la langue grecque est très importante est importante pour le commerce et pour l'intégration de l'Empire ottoman dans l'économie monde. Nikos Sigalas, juste dites-nous, durant cette domination ottomane, y avait-il déjà des mouvements pour s'élever contre cette domination ? Il y a eu, des mouvements d'affirmation culturelle. Qui n'ont pas abouti à un soulèvement aussi important que la révolution grecque. Mais on a eu les essais de Rigas Velestinlis, par exemple, qui avait monté une conspiration qui était perçue par les autorités ottomanes en amenant son exécution, celle de lui et de ses amis qui ont conspiré contre le pouvoir ottoman. Et Rigas Velestinlis était quelqu'un qui avait imaginé une confédération balkanique avec une politique, si vous voulez, grecque, donc un régime politique inspiré de la Grèce ancienne, dans le cadre de laquelle tout le peuple, y compris les musulmans de l'Empire ottoman, jouirait de leur liberté politique. Voilà. Sur cette réflexion autour de ce long processus, Anne Couder, nous avons ici des mouvements qui ne peuvent pas se comprendre en regardant uniquement la Grèce. Cette guerre d'indépendance s'inscrit sur un temps long sans doute, elle s'inscrit aussi sur un contexte qui est européen mais même au-delà de l'Europe. Oui, je voudrais juste, avant de parler de ce contexte européen, rebondir sur ce que dit Nikos Sigalas. Nous avons une langue qui réduit fortement la réalité parce que nous n'avons qu'un seul mot pour dire grec. Vous avez peut-être remarqué que Nikos parle de Roum, de Romain, il a parlé de chrétien. Et finalement, c'est en tant que chrétien qu'il y a eu ce soulèvement et que ceux qui se sont soulevés, les révoltés, se sont désignés comme Hélènes. Et Hélène, c'est un Hélinas, c'est un autre mot que celui de Roum précisément. Donc en fait, et ça rejoint la question de l'Europe dans son ensemble, ce sont des Ottomans. Puisque l'Empire ottoman, ce n'est pas une domination turque, c'est un système de gouvernement impérial et une forme d'ancien régime, ce sont des chrétiens qui, à un moment, comme pendant la Révolution française, n'ont plus accepté un pouvoir théocratique, en fait. Et pour dire qu'ils avaient pris leur destin politique en main, ils se sont revendiqués des Grecs anciens et de ce monde de la Grèce ancienne, vu comme le berceau de la démocratie. Donc, on a des gens qui se sont soulevés, qui ont convoqué un mot qui, jusque-là, était un mot savant peu employé. Et peu importe qu'on ait parlé, à cette époque-là, l'albanais ou une langue slave, ou le grec pour se désigner comme Hélène. Donc, dans l'acte d'indépendance de la Grèce, le texte de la proclamation d'indépendance revendique l'existence d'une nation Hélène, l'affirmation de l'existence d'une nation Hélène. Et cette nation Hélène, elle repose sur, des critères de définition qui sont assez proches de ceux de la citoyenneté de la Révolution française. Et c'est là qu'intervient ce grand contexte européen, parce que autant le courant libéral européen, qui va donner naissance en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie au philhellénisme, peut applaudir, les gouvernements, en revanche, sont bien plus réservés, puisqu'ils voient le danger du réveil d'une révolution en Europe. D'où ces nombreuses et contradictoires interactions qu'il y a entre une Europe d'une part libérale favorable à ce mouvement, comme vous avez parlé, alors on peut parler de Delacroix, alors Victor Hugo, il a une forme de libéralisme, mais il est encore attaché à la monarchie. Chateaubriand, plus tard, qui lui aussi rejoint petit à petit le libéralisme européen à la fin des années 1820. Les peuples, donc, libéraux, mais en même temps, donc, les gouvernements attendent pendant très longtemps avant d'agir, et quand ils agissent, en 1827, par un traité que la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont passé ensemble pour s'assurer qu'elles étaient d'accord sur les bases d'une solution, elles ne vont pas intervenir en faveur des Grecs, comme on le dit souvent. Elles vont tenter de remettre de l'ordre dans les affaires de Grèce, comme elles les appelaient à l'époque, c'est-à-dire envisager une autonomie des Grecs à l'intérieur de l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'on ne pense pas encore à l'indépendance. Oui, il faudrait pas plaquer tout ce que nous connaissons aujourd'hui de cette histoire en imaginant comment les gens ont fait des choix. Ce qui est certain, c'est qu'au XIXe siècle, dans toute l'Europe, la Grèce nous parle. Et voici, la Grèce vous parle. Avec le concours de Lila Laloni, d'Apostolis et de Lucien Noblet. Il existe tant de liens de culture et d'esprit entre la Grèce et la France que lorsqu'on veut évoquer Athènes, mère du monde civilisé, c'est vers les écrivains français que l'on se tourne d'instinct. Ce sont eux qui nous restituent, avec le plus de bonheur, la vision sublime de l'immortelle cité de Pallas Athénée. Le nom d'Athènes a l'éclat de la lumière et la blancheur du marbre. Par son prestige, par sa légende même, il justifie pour tout homme qui a le goût du rêve le mot célèbre d'Ernest Renan. Il y a un lieu où la perfection existe. Il n'y en a pas deux, c'est celui-là. C'est en 1947 que la Grèce nous parlait dans les archives de la radiodiffusion. Nikos Sigalas, les échanges sont nombreux, la Grèce nous parle, l'Europe parle à la Grèce, les réflexions issues de la Révolution française ont évidemment un écho en Grèce, la Grèce alors sous domination ottomane. Oui, je voudrais rebondir un peu sur ce que Anne Couder disait tout à l'heure, sur justement le moment de la révolution grecque. Il faut pas oublier qu'on dit bien révolution, mais il faut distinguer entre l'époque de la Révolution française, suivie de nombreux mouvements révolutionnaires dans le monde, et ces révolutions de l'époque post-napoléonienne, qui ont lieu dans une ambiance, dans un contexte où règne le conservatisme, d'après le congrès de Berlin, à l'époque de la Sainte Alliance, où tout mouvement révolutionnaire est senti comme hostile à l'ordre établi. Et donc, tout d'abord, il faut voir que les premières réactions des puissances sont très hostiles, y compris de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Mais là, la Russie, c'est les puissances apprennent, les grandes puissances apprennent les nouvelles de la révolution grecque quand elles sont réunies à Laibach pour un congrès de la Sainte Alliance pour faire face au soulèvement du Piémont. Et les déclarations sont des déclarations de condamnation de l'événement. Et aussi, il faudrait dire que la révolution grecque appartient à cette série de révolutions des années 1819-1921, donc la révolution d'Espagne, du Portugal, des Siciles, du Piémont, qui sont des révolutions faites par des sociétés secrètes, comme les Carbonari et d'autres sociétés secrètes à l'époque, et menées surtout par des militaires, par des professionnels de la guerre, comme sont les armatoles et les cleptes, et pas tellement pour le peuple. Anne Couder, dans ces années qui nous intéressent, nous pouvons dire qu'il y a deux mouvements. Il y a la Révolution française qui inspire une idée de révolution contre une domination, et puis après l'épisode napoléonien qui a soudé les mouvements des nationalités et le congrès de Vienne en 1815, c'est une autre forme de combat. En fait, les deux se mêlent, mais les démarches sont un peu différentes. Lutter contre une domination, lutter pour créer la nation, et puis après il y a aussi une lutte romantique qui s'inscrit dans cette histoire. Oui, je reviens, je rejoins tout à fait Nikos Figalas sur ce point. Il y a en fait une espèce de décalage chronologique. Les premières déclarations, alors la déclaration d'indépendance grecque, mais aussi les constitutions que la révolution grecque proclame, hein, il y en a trois en tout, successives, ces constitutions sont calquées sur les constitutions produites par la révolution française, où la place principale est réservée à l'expression de la nation qui est affirmée comme souveraine. Et en fait, un des grands passeurs de cette idée révolutionnaire dans le monde ottoman et donc parmi les sujets grecs de l'Empire ottoman, c'est justement Rigas Velestinlis, dont tout à l'heure Nikos Sigalas a parlé, qui a traduit beaucoup de textes révolutionnaires français et qui a contribué à les faire connaître à l'intérieur de l'Empire ottoman. Mais le problème, c'est que c'est précisément les Grecs produisent ces textes inspirés de la Révolution française précisément à un moment de lutte contre tout réveil de la révolution en Europe. Et les interactions, la réaction du gouvernement, c'est des gouvernements, bien sûr, ce sont des réactions d'hostilité à tout mouvement qui pouvait avoir un air révolutionnaire. Et en effet, la révolution grecque a lieu exactement au moment où toutes ces révolutions carbonaristes, libérales, ont lieu en Europe. Nikos Sigalas vient d'en parler. Mais ce qui est vécu comme une véritable menace, et qui est réelle, hein, par les gouvernements conservateurs, donc issus du Congrès de Vienne, et pour certains, pas la Grande-Bretagne, mais porteurs des valeurs de cette Sainte Alliance conservatrice et contre toute idée de libéralisme et de révolution, la menace, elle est vécue comme intérieure, c'est-à-dire que le mouvement philhellène qui naît, qui se met à enfler, voire à gronder à l'intérieur de chaque État européen en faveur des Grecs et s'exprime en fait contre ce qui est vécu comme un attentisme des gouvernements. Donc en fait, quand les gouvernements décident d'agir dans les années 1826-1827, c'est aussi parce que ce mouvement, alors ce mouvement qui est porté par le romantisme, hein, ce mouvement philhellène, en fait, ne concerne pas que la Grèce et s'exprime à l'intérieur de chaque société européenne. Et ce sera donc le substrat de la base, ces deux tendances hein, issues de la révolution, de libéralisme et aussi du conservatisme des cours européennes, eh bien, dans les années 1827, va finalement aboutir à une espèce de compromis, c'est-à-dire que c'est en tenant compte de ces deux tensions à l'intérieur de toute la société européenne qu'une solution va être abordée qui va sans doute fortement contribuer à transformer la question grecque et à donner le jour à un État grec qui n'aura finalement plus rien de révolutionnaire, mais qui sera beaucoup plus construit selon la volonté de l'Europe sur des bases, on va dire, beaucoup plus conservatrices, puisque les Grecs se sont déclarés en 1821-22 comme une démocratie, comme une république, et que finalement l'Europe, à partir de 1830, reconnaît un État grec monarchique et en fait sans constitution, donc monarchie absolue de droit divin. Et ça va rester le cas jusque dans les années 1840. L'indépendance de la Grèce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est un long processus, 1821-1822, le mouvement est là, il faut attendre 1830 pour que l'indépendance soit concrète, et pendant tout ce temps, ce mouvement est porté par des auteurs, par des poètes, par des romantiques. Console-toi, la Grèce est libre, entre les bourreaux, les mourants. L'Europe a remis l'équilibre. Console-toi, plus de tyrans. La France combat, le sort change. Souffre que sa main qui vous venge, du moins te dérobe en échange une feuille de ton laurier. Grèce de Byron et d'Homère, toi, notre sœur, toi, notre mère, chantez, si votre voix amère ne s'est pas éteinte à crier. Pauvre Grèce, qu'elle était belle pour être couchée au tombeau. Chaque vizir de la rebelle s'arrachait un sacré lambeau, où la fable mit ses ménades, où l'amour et ses sérénades grondaient les sombres canonnades, sapant les temps du vrai Dieu. Le ciel de cette terre aimée n'avait sous sa voûte embaumée de nuages que la fumée de toutes ces villes en feu. Victor Hugo parle de la Grèce dans Les Orientales, c'est en 1829, lu dans le cours de l'histoire par Daniel Koenigsberg. La guerre d'indépendance grecque, la révolution grecque. Et Nikos Sigalas, vous êtes historien spécialiste de l'histoire ottomane de la Grèce moderne. Vous êtes spécialiste de ce monde complexe qui est celui d'un carrefour. Vous êtes collaborateur associé à l'université de Patras. Et dans cette étude, la question se pose des forces en présence. La Grèce est dominée. Y a-t-il beaucoup de troupes ottomanes? Est-il possible de tenir un pays comme la Grèce? Écoutez, il est important de rappeler un peu la situation militaire dans laquelle l'Empire ottoman se trouve à cette époque. Il faut rappeler aussi que le sultan Mahmoud II, c'est un sultan, un grand réformateur, et il fait face à l'époque à la tendance, à l'aspiration à l'autonomie et quelquefois à la dépendance de ses propres pachas. Donc, comme le Mohamed Ali d'Égypte, et à ce moment précis, le Ali Pacha de Yanina. Donc, Ali Pacha de Yanina, avec qui il combat ses troupes, se battent, les troupes du sultan se battent au moment du lancement de la révolution grecque. Donc, la situation est complexe pour la raison suivante. L'armée du sultan est composée en grande partie des armées privées des pachas. Et donc, en raison de la grande autonomie de pachas, donc on appelle cette époque l'époque des grands pachalik, et en raison donc de la grande autonomie, l'armée ottomane tend à être décomposée. Et comme le sultan doit faire face à Ali Pacha de Yanina, il prend toute l'armée qui est stationnée, par exemple, dans le Péloponnèse. Ainsi, le fait que le Péloponnèse peut être très facilement occupé par les insurgés est dû au fait que le pacha du Péloponnèse, donc Hursit Pacha à l'époque, se bat contre Ali Pacha. Et ça, c'est pris en compte par les Théries qui est en tête même et qui est en contact avec Ali Pacha, qui est un allié potentiel pour elle, pour les insurgés. Nikos Sigalas, vous parlez de Ioannina parce que vous prononcez bien les choses, mais les lecteurs, les lectrices du Comte de Monte Cristo se souviennent du pacha de Janina. Madame, vous avez écrit que vous aviez été un témoin oculaire des événements de Janina. Vous étiez bien jeune alors. J'avais 4 ans. Je m'appelle Haïdé, fille d'Ali Tebelin, pacha de Janina. Pouvez-vous prouver ce que vous avancez, madame? Voici l'acte de naissance, rédigé par mon père et signé par ses principaux officiers. Voici aussi l'acte de la vente qui fut faite de ma personne et de celle de ma mère, au marchand arménien El Kobir, par l'officier français qui, dans son infâme marché, s'était réservé pour sa part de butin la fille et la femme de son bienfaiteur, qu'il vendit pour la somme de 1000 bourses, c'est-à-dire à peu près 400 000 francs. Et enfin, cet autre acte par lequel Monsieur le Comte de Monte Cristo m'a racheté plus tard au sultan Mahmoud. Mais alors, madame, qui vous a conseillé cette démarche? Mon respect et ma douleur. Une adaptation radiophonique sur France Culture du Comte de Monte Cristo et ses sublimes. C'était en 2018. Ah, ce moment terrible où Morcerf se fait dévoiler parce qu'il y a la fille du pacha de Janina qui apparaît. C'est Alexandre Dumas qui écrit le Comte de Monte Cristo. Nous sommes après, évidemment, tous ces événements. Mais Anne Couder, le fait d'évoquer la présence d'un Français dans cette révolution grecque, c'est intéressant aussi. Avec la fin d'Ali Pacha, nous sommes en 1821, c'est le moment d'ailleurs où commence la guerre d'indépendance. Oui, alors des Français, mais des Européens sont présents depuis longtemps et contribuent à faire connaître cette révolution. Mais une chose est sûre, c'est que les interactions pour la formation de l'État grec, en fait, vont se faire finalement plus tard sous une autre action qui est celle des gouvernements, et que ce sont vraiment les gouvernements qui vont avoir une discussion et une interaction avec les représentants de l'État grec pour former le nouvel État. Nous avons des mouvements portés par des écrivains, certains s'engagent, c'est le cas de Byron. Nous avons le mouvement de ceux qui combattent pour leur indépendance. Nous avons ces petites tractations entre gouvernements. Et tout ça est porté par des chants, évidemment, les chants de la guerre d'indépendance grecque. Nous sommes en 1821. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21 να'ρθει μια στιγμή να φέρνα ο καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοντρόνι να πει να κράσει να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα να ήταν το 21 να'ρθει μια βραδιά. De l'indépendance grecque, cette indépendance grecque en 1821 qui conduit alors à cette date du 12 janvier 1822 selon notre calendrier, le calendrier grégorien, avec la déclaration d'indépendance à Épidaure. Nikos Sigalas, que se passe-t-il à Épidaure en janvier 1822 ? C'est la, le moment de la fondation d'une assemblée nationale. Et le moment où, un gouvernement est formé. Un gouvernement avec un corps exécutif, un corps constitutionnel. Et c'est un moment important qui a été, les Grecs de l'étranger, des personnages importants comme Choraïsé et Capodistria avaient insisté pour qu'il y ait un gouvernement, parce que pendant les premiers moments, il y avait une absence, l'absence d'une instance qui pouvait appliquer la loi et imposer la loi, et donc d'où la perpétuation de nombreuses violences par les insurgés. Et donc on a eu ce moment fondamental de la formation d'un proto-État, mettons, d'un gouvernement révolutionnaire. Je voudrais dire aussi que pendant cette époque, il y a une opération idéologique importante, parce que ces mêmes personnes, par exemple Capodistria, avec leur conseil, qui par exemple à Capodistria soumet un mémoire pour la forme de ce gouvernement, il insiste sur le fait qu'il faut purger ce gouvernement, qu'il faut que ce gouvernement n'ait pas le caractère de première déclaration dont Anne Coudert a parlé tout à l'heure, de l'Hétérie et de premières déclarations d'Ypsilandis qui insistaient trop révolutionnaire, disons. Donc que ça soit d'un caractère libéral, mais plus modéré. Oui, texte qui n'est pas censé être révolutionnaire, parce que tout le monde observe en Europe ce qui se passe en Grèce. Voici l'acte d'indépendance proclamé à Épidaure le 12 janvier 1822. nation grecque prend le ciel et la terre à témoin que malgré le joug affreux des Ottomans qui l'a menacée d'une ruine entière, elle existe encore. Pressée par les mesures aussi iniques que destructives que ces tyrans féroces, après avoir violé leur capitulation ainsi que tout esprit d'équité, rendaient de plus en plus oppressives et qui ne tendaient à rien de moins qu'à l'anéantissement du peuple soumis, elle s'est trouvée dans la nécessité absolue de recourir aux armes pour mettre à l'abri sa propre conservation. Après avoir repoussé la violence par le seul courage de ses enfants, elle déclare aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes, par l'organe de ses représentants légitimes réunis dans le Congrès national, convoqué par le peuple, son indépendance politique. Daniel Königsberg lisait cet acte d'indépendance en 1822 pour la Grèce. Anne Couder, si nous observons la chronologie, et puis à vous écouter, nous entendons bien que 1822 est un élément de cette histoire-là qui se poursuit jusqu'au moins en 1830 et encore pour obtenir une vraie indépendance. Quelle est la place de ce moment 1822 à Épidaure dans cette histoire, dans cette révolution ? Ce moment, il est absolument essentiel parce que c'est le moment où, justement, les Grecs se déclarent indépendants. C'est extrêmement important parce que dès lors qu'ils se déclarent indépendants, ils se déclarent comme nation. Ils se déclarent donc non plus comme sujet ottoman revendiquant éventuellement des choses auprès du sultan, voire refusant un État. Ils se déclarent comme nation étrangère au sultan. Et dès lors que, et donc, ne mènent plus une forme de révolution, mais font une guerre qui implique des ennemis extérieurs. C'est tout le problème pour l'Europe. Reconnaître un nouvel État, c'est remettre en cause tout l'équilibre européen. Voilà pourquoi, pendant toute la décennie des années 1820, les gouvernements ne parlent pas ni de révolution ni de guerre des Grecs, mais d'affaires de Grèce, pour ne pas nommer le mouvement, pour éviter de se prononcer soit sur révolution qui pose problème, mais ne pas se prononcer non plus sur une guerre avec des ennemis extérieurs qui ferait des Grecs une nation, voire un État indépendant avec lequel il faudrait traiter, ce qui forcerait à reconnaître leur nouveau statut. Donc cette déclaration d'indépendance est absolument fondamentale puisqu'elle pose la question du statut des Grecs et en effet, pendant très longtemps, leur statut ne sera pas... La question de leur statut ne sera pas véritablement tranchée. Nous avons parlé donc du père de ce personnage absolument fondamental de Ioannis Kapodistrias, qui donc est devenu, a été reconnu par les grandes puissances, mais aussi par les Grecs en 1827. Président du gouvernement provisoire de la Grèce et Kapodistrias, c'est celui qui a permis en fait aussi à l'Europe de négocier avec lui. Il faut savoir que jusqu'au moment de la Révolution grecque, il était au service du tsar. C'était un Grec qui se trouvait à la cour de Russie. Il faisait partie du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères. Il était extrêmement conservateur politiquement et on s'en est rendu compte d'après ce qu'a dit Nikos Sigalas. Et il était même un des théoriciens de la Sainte Alliance. Donc, il va proposer une forme de libéralisme très conservateur socialement, et il va devenir, en fait, à partir de 1827-1828, jusqu'à son assassinat au début des années 1830, l'interlocuteur du concert européen et des grandes puissances qui interviennent à partir de 1827, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Et cet interlocuteur va être celui qui va mettre en place, pas les premières bases de l'État grec, mais en tout cas qui va organiser de conserve, même s'il s'y oppose parfois, de conserve avec les grandes puissances, un nouvel État qui se veut relativement centralisée d'ailleurs. Oui, les grandes puissances européennes interviennent vers 1827, un peu tardivement. Alors elles sont poussées sans doute par les romantiques. Nous avons parlé de Byron, de Victor Hugo, mais pas seulement. Nikos Sigalas, cette histoire est aussi une histoire de massacre. C'est une histoire qui est sans cesse reprise dans les journaux où on rapporte ce qui se passe en Grèce. Et ça marque aujourd'hui encore l'identité grecque. Vous parlez sûrement du massacre de Chios. Voilà, ou Missolonghi aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est important on connaît aujourd'hui, on a grâce à un historien, au chroniqueur attitré ottoman de l'époque, comment s'appelle-t-il, Chanizadeh, on a les procès-verbaux dès du conseil du sultan, donc des ministres du sultan, où on décide que vers le début de 1822, que comme les efforts militaires contre de l'armée du sultan contre les insurgés ne portent pas de fruits, qu'il faudrait recourir à la licence au pillage, donc de donner libre cours à l'armée au pillage. Ça s'appelle itma en turc ottoman, et c'est-à-dire on demande au cheikh l'islam, donc à la plus haute autorité juridique de l'empire, de mettre en fait une fatwa, donc un avis juridique, selon lequel les insurgés ne seraient plus des protégés, des imis. Donc, je vous avais dit au début que c'est les Grecs, les Roms de l'Empire étaient des protégés. Donc, ils ne seraient plus des protégés, mais ils seraient des harbis, donc des ennemis de la foi, dont qu'on pouvait prendre en esclave, réduire à l'esclavage, et dont on pouvait piller les propriétés, et réduire en esclavage les femmes et les enfants. Donc ça a eu des conséquences. Le premier événement qui suit à cette décision, c'est le massacre des Chios et de la ville du côte d'Asie mineure de Aivalık. Il faut dire aussi que cette décision ça dure pour un certain temps, c'est temporaire. Mais ça, c'est d'une extrême violence, ces massacres, ils ont des énormes répercussions. De très grandes répercussions. Des milliers de morts qui parfois se résument en un nom. Quand il y en a un, c'est tout de suite celui qui devient le fétiche de tous ces massacres. Et c'est un grand poète, et c'est Byron. Nous nous situons à Missolonghi, sur la côte occidentale de la Grèce. Fidèle à son idéal, fidèle à lui-même, Lord Byron expire à Missolonghi le 19 avril 1824. Il était alors âgé de 36 ans. Les Hellènes ont un vrai culte pour celui qui, venu pour les aider dans un des moments les plus critiques de leur histoire, tomba sur leur sol en héros. Le jour de son 36e anniversaire, Byron, qui tout entier en son entreprise guerrière avait cessé d'écrire, lut à ses amis ces quelques vers qu'il venait de tracer sur le papier et qui eussent pu être gravés sur sa tombe, tant il résume en un saisissant raccourci sa vie et son œuvre dont il savait l'approche conclusion. Si tu regrettes ta jeunesse, pourquoi vivre? Le pays de l'honorable mort est ici. Marche au combat et donne ta vie. Cherche un tombeau de soldat, pour toi le meilleur. Puis regarde bien, choisis ton terrain et prends ton repos. fallait un peu de Byron dans une émission sur la révolution grecque. C'est le romancier Christo Xanthopoulos Palamas qui l'évoquait en 1947. Anne Couder, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous parlons de romantisme, de grands mouvements profonds, mais vous nous avez rappelé combien cela était concret pour les gouvernements européens. Faut-il soutenir la Grèce, un nouvel État? C'est bien compliqué. Et puis tout cela est aussi une question de frontières. C'est essentiel, cette question des frontières. Bien sûr, parce que quand on commence à envisager une solution, la première solution, ça va être de maintenir les Grecs dans l'Empire ottoman pour préserver le statu quo européen qui a été décidé au Congrès de Vienne en 1815. Donc on commence à envisager que les Grecs resteront dans l'Empire ottoman, mais dans un territoire rassemblé dans un territoire autonome, sous suzeraineté du sultan. Hein, il est clairement dit dans l'accord que les Grecs seraient vassaux du sultan, qui paieraient un tribut. Mais toute la question, c'est ce nouveau territoire, finalement, c'est celui-là qui va devenir indépendant. Et la définition des frontières, c'est absolument stratégique parce que c'est la définition du corps de la nation de la juridiction sur laquelle s'étendront les nouvelles lois de la nation. Et donc, en fait, on commence à discuter avec le gouvernement provisoire de la Grèce de la question des limites de ce nouveau territoire, puis des frontières du nouvel État. Donc, on commence en 1828 et la discussion va durer jusqu'à la délimitation de la frontière à la fin de l'année 1832. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe dans les discussions, les premières discussions entre les représentants des grandes puissances et le chef du gouvernement, Kapodistrias. Ça se passe dans l'île de Poros en octobre-novembre 1828, car là, ce sont deux conceptions du territoire qui s'affrontent et qui nous font comprendre en fait des représentations de l'espace extrêmement différentes. La première représentation de l'espace, celle qui ne va pas être retenue à la fin, c'est celle qui est défendue par Kapodistrias, donc le chef du gouvernement grec, et qui nous permet de comprendre comment les Grecs se voient eux-mêmes. Kapodistrias revendique des frontières qui permettraient de définir un territoire le plus large possible. Il revendique en effet que pour assurer la paix à venir et les bonnes relations avec l'Empire ottoman dont le nouvel État autonome devait faire partie, il fallait inclure toutes les régions à l'État grec, à ce futur État grec, toutes les régions d'où les révolutionnaires, ceux qui s'étaient soulevés, étaient originaires. Et en effet, les combats ont eu lieu surtout dans le sud de ce qu'on appelle la Grèce, mais enfin le sud de la péninsule, de la péninsule balkanique, notamment le Péloponnèse et puis ce qui est actuellement la Grèce centrale. Mais beaucoup de ces guerriers venaient de plus au nord, ce qu'on appelle maintenant la Thessalie, l'Épire et la Macédoine. Donc, l'idée aussi, une grande idée d'une Grèce qui réunirait tous ceux qui parlent grec. Merci beaucoup Anne Couder d'avoir évoqué cette question de frontières qui nous conduit à d'autres réflexions une fois que l'indépendance est là et que l'État est là. Et comment construire un pays, ça tombe bien, dans le cours de l'histoire, nous faisons une série sur l'histoire de la Grèce, un pays en quête d'indépendance. Merci vivement Anne Couder et merci beaucoup à vous aussi Nico Sigalas. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'une jacquerie ? L'histoire du mot jacquerie, qui a été beaucoup utilisé pour qualifier le mouvement des Gilets jaunes, montre comment des soulèvements populaires ayant traumatisé les élites dirigeantes ont pu se fixer dans le langage courant et traverser les siècles pour désigner des événements qui n'ont plus grand-chose à voir avec le point de départ. Il semble que le terme « jacquerie » ait été employé pour la première fois par Nicole Gilles, contrôleur du Trésor royal sous Charles VIII. Dans ses chroniques et annales de la France, publiées à partir de 1492, il emploie ce mot pour désigner l'ensemble des soulèvements populaires qui ont éclaté entre 1350 et 1420, période profondément troublée par les famines, les épidémies de peste et la guerre de Cent Ans. Le point commun